Agro J'écoute, ça commence maintenant. L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. L'agroécologie, elle part d'un autre principe. On ne va pas tuer l'insecte ravageur, l'agent pathogène, on va en neutraliser les effets, on va en neutraliser les dégâts. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Pesticides, c'est-à-dire fongicides, herbicides. Il faut réapprendre, il faut oublier pour apprendre autre chose, parce que des fois, voilà, on se trompe. Cible, ça veut dire que ça tue. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cible devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous, chers auditeurs, vous êtes sur Campus FM dans l'émission Agro J'écoute. Je suis Mathilde Rudloff, une étudiante à l'École d'ingénieurs de Purpan et vous m'avez déjà probablement entendu dans l'épisode consacré au commerce équitable et au circuit court. Et aujourd'hui, je reviens vous parler de la thématique, donc ce coup-ci c'est la thématique de mon stage que je réalise à la DRAF Occitanie sur les collectifs d'agriculteurs, donc le réseau DEFI et les groupes 30 000. Alors qu'est-ce que c'est? Qui sont les agriculteurs de ces réseaux et sur quoi travaillent-ils? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode d'Agro J'écoute. Donc comme je vous le disais, je réalise mon stage à la DRAF Occitanie. Donc la DRAF, c'est le représentant régional du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Et en France, il existe 18 DRAF comme nos 18 régions. Et donc j'effectue mon stage à la DRAF Occitanie et ma mission consiste à produire une plaquette de valorisation des collectifs d'agriculteurs qui basent leurs pratiques sur la réduction de l'utilisation de pesticides. Je suis dans l'unité Ecophyto et Amélie Genet, qui est avec moi aujourd'hui, c'est ma maître de stage et elle est chargée de mission Ecophyto. Donc Amélie, est-ce que vous pouvez nous repréciser un peu les principes du plan Ecophyto ? Oui, donc le plan Ecophyto, c'est un plan qui vise à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc c'est un plan qui est national, qui est piloté par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, mais il est aussi décliné en fait pour chaque région. Et un des axes de ce plan, c'est d'accompagner les agriculteurs dans la mise en place de pratiques économes en produits phytosanitaires. Et donc c'est sur ce plan que l'on pilote au niveau régional. Amélie, elle va pouvoir nous apporter une vision générale des collectifs agricoles en Occitanie. Et donc, au sein de cette émission, on va pouvoir mettre à plat les objectifs du plan Ecophyto et de ses réseaux d'agriculteurs. Et donc, nos invités vont pouvoir partager leurs expériences. En effet, je suis accompagnée de différents acteurs de ces collectifs. Amélie Genet est avec nous, on l'a dit, elle est chargée de mission. Mais il y a aussi avec nous Simon Giuliano. Bonjour. Enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan, il participe à différents programmes tels que les défis fermes et les défis XP. Et nous avons aussi en régie Paul Hué, animateur de groupe 30 000 d'Occitanie, et Clément Rigal, inviticulteur de Fronton, qu'on va pouvoir me rencontrer tout à l'heure. Donc ne vous inquiétez pas, tous ces acronymes, défis fermes, défis XP, groupe 30 000, seront définis au fur et à mesure de l'émission. En effet, cet épisode spécial Agro J'écoute, en lien donc avec la DRAF et l'École d'ingénieurs de Purpan, s'inscrit dans une volonté de communication de la part de la DRAF. Oui, c'est ça. Donc en fait, sur le plan Ecophyto, au niveau de la DRAF, on essaye de diffuser ce qui se passe en fait à la fois dans le monde agricole, mais aussi auprès du grand public. Par exemple, on travaille sur la réduction des produits phytosanitaires auprès des collectivités. Vous avez peut-être vu, quand vous arrivez pour des villes, en fait, il y a un panneau objectif zéro phyto, donc qui s'inscrit dans une charte régionale, c'est-à-dire que la collectivité, elle est engagée à ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, donc les collectifs d'agriculteurs, Amélie, je vous propose de revenir sur certaines bases, notamment quels sont les produits que les agriculteurs vont pouvoir utiliser pour protéger leur culture. Il y a différents produits, en fait. Donc, il y a des produits qui sont de synthèse, issus de synthèse chimique. Donc, par exemple, la substance active du glyphosate, qui est assez bien connue. Mais il y a aussi tout un tas d'autres produits qui peuvent être d'origine naturelle, par exemple, animale, végétale, minérale. Il y a des substances de base, qu'on appelle, qui sont, en fait, utilisées pour un usage phytosanitaire. Mais en soi, c'est des choses qu'on peut avoir dans son quotidien, du sucre, du vinaigre. On a aussi d'autres produits qui utilisent plutôt des mécanismes biologiques, qu'on appelle du biocontrôle. Ça peut être par exemple des lâchers de coccinelle dans le dessert, ça peut être l'utilisation de phéromones en fait en viticulture pour que les papillons puissent pas se rencontrer, ce genre de choses. D'accord, et du coup, cette solution de biocontrôle, par exemple, on pourrait penser qu'elle est plus utilisée par des exploitations dites bio. Est-ce que c'est le cas ? Alors, effectivement, en agriculture biologique, on peut utiliser donc, ces produits de biocontrôle qui sont sur la liste réglementée, c'est-à-dire qu'en fait, en agriculture biologique, on utilise aussi des produits phytosanitaires. C'est des produits phytosanitaires qui sont considérés les moins toxiques. Donc, il y a une réglementation derrière qui est votée et listée au niveau européen et national. Et en fait, on est dans cette logique quand même de production plus respectueuse de l'environnement. Donc, l'agriculture biologique utilise des produits phytosanitaires, mais se base également sur d'autres régulations des écosystèmes. Il ne faut pas oublier que, justement, les exploitations biologiques ne sont pas la majorité des exploitations en Occitanie. Les autres exploitations donc, sont dites conventionnelles, non bio, et elles connaissent aujourd'hui un retrait progressif des pesticides. Donc, c'est les pesticides qui contiennent des substances actives les plus dangereuses et qui ont tendance à polluer l'environnement, pollution de l'air, de l'eau ou encore des sols. Et en fait, c'est dans ce contexte-là que le Grenelle de l'environnement a construit le plan Ecophyto. Donc, c'est un plan qui a été mis en place en 2008. Et aujourd'hui, il vise à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires de 50% d'ici 2025 et de sortir du glyphosate d'ici 2022. Et donc, on suit concrètement ce plan avec différents indicateurs de suivi de l'utilisation de produits phytosanitaires. Et donc là, le plan Ecophyto utilise beaucoup ce qu'on appelle l'IFT. C'est un indice de fréquence de traitement phytosanitaire. Et donc, cet IFT, il est plutôt utilisé à des échelles telles que l'exploitation agricole ou un groupe d'exploitation. Il va avoir donc pour but de comptabiliser le nombre de doses de référence qui est utilisé par hectare au cours d'une campagne culturelle. On a aussi comme autre indicateur ce qu'on appelle le NODU, N-O-D-U, et il est aussi utilisé, donc c'est le nombre de doses unités. Lui, il est utilisé pour une échelle qui est plutôt nationale, donc une plus grande échelle que l'IFT, et il est calculé à partir des données de vente des distributeurs de produits phytopharmaceutiques. Et donc, Amélie, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les grandes lignes du réseau Défi dont on parlait tout à l'heure, qui fait partie des projets du plan Ecophyto ? Et donc, en fait, Défi, donc, l'idée, c'est d'être un réseau qui puisse démontrer et expérimenter donc, des alternatives aux produits phytosanitaires. Il existe deux types de défis, c'est-à-dire des défis XP qui sont des projets en fait, d'expérimentation qui sont pilotés en station, et les défis fermes. Pour les défis XP, donc, ce sont des projets souvent pilotés par des partenaires de recherche et de développement. On peut citer souvent l'INRAE. Donc, l'idée de ces stations d'expérimentation, c'est vraiment de tester donc des alternatives, d'avoir une prise de risque importante par rapport à la reconstruction du système pour trouver des solutions à l'usage des produits phytosanitaires. Donc ça englobe une réflexion qui est assez large, différents paramètres, et donc il y a souvent, on va dire, 5-6 partenaires de la recherche et de développement qui pilotent le projet. Vraiment, l'objectif, c'est donc de donner des solutions qui peuvent être inspirantes pour des exploitations agricoles et de trouver en fait des solutions adaptées à différents ravageurs via différents mécanismes autour de toujours cette réduction des produits phytosanitaires. Ça touche différentes filières de production. Hein. On est en grande culture, polyculture, élevage, en arboriculture, en viticulture, en maraîchage. Par exemple, en arboriculture, on peut citer la reconception d'un verger. Donc, il y a un projet qui a décidé de planter un verger circulaire pour voir comment on pouvait reconcevoir le verger sans utiliser de produits phytosanitaires. Donc voilà, c'est des choses vraiment qui sont très poussées. Et on peut aussi citer des choses donc en viticulture, par exemple, des projets qui se basent sur la régulation naturelle, qui vont utiliser et faire des tests sur différentes variétés résistantes. Hein, voilà, c'est vraiment des projets développés et qui vont nous aider en fait à mieux comprendre les mécanismes. Donc des chiffermes, par contre, c'est vraiment des exploitations agricoles qui sont engagées, donc c'est des collectifs d'agriculteurs. Ce sont également des fermes pilotes, mais c'est, je dirais, en conditions réelles, c'est-à-dire que c'est une vraie exploitation agricole, un agriculteur qui est en charge et qui s'implique dans ce collectif. Pareil, il va y avoir en fait des choses assez innovantes, donc on va reconcevoir aussi les systèmes pour trouver toujours dans la même optique hein, des alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires. Il faut savoir qu'en 2010, c'était à peu près 180 agriculteurs qui étaient engagés et qu'aujourd'hui, en 2021, ils sont près de 3000. Donc en Occitanie, on a nous à peu près 400 agriculteurs et majoritairement par contre dans les filières grande culture, polyculture, élevage et viticulture puisque ce sont les filières qui sont le plus représentées en Occitanie. Très bien, et je profite justement de cette remarque pour expliquer à nos auditeurs le fait que nous on a aussi choisi des témoignages dans ces deux filières, donc les plus prédominantes en Occitanie, polyculture, grande culture, élevage et viticulture. Et justement, on a autour de cette table Simon Giuliano, un enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan, qui travaille au sein de ces réseaux, donc les réseaux Défiferme et XP que Mélie vient de nous expliquer, et en grande culture justement. Donc merci Simon Giuliano d'être avec nous. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez tout simplement nous présenter l'exploitation sur laquelle vous effectuez toutes ces démarches de réduction de produits phytosanitaires et de quelle exploitation est-ce qu'on parle ? Oui, tout à fait. Donc, on parle de l'exploitation du campus de la mode, donc qui est la ferme de l'école d'ingénieurs de Purpan. Donc, c'est une ferme qui appartient à l'école d'ingénieurs de Purpan et donc sur lequel on a à peu près 200 hectares de terre sur lequel on cultive différents types de céréales, du blé, du maïs, du soja et on a également un troupeau d'une centaine de vaches laitières. Et quels sont les liens du coup entre cette exploitation et l'école d'ingénieurs de Purpan ? Comment est-ce que vous utilisez en fait cette exploitation dans le cursus ingénieur ? Oui, donc effectivement, c'est une ferme qui fait partie de l'école d'ingénieurs de Purpan. Et donc à ce titre-là, elle accueille les étudiants tout au long de leur cursus. Ça va servir un petit peu de fil rouge au cursus des étudiants. Ils y vont pendant plusieurs occasions, en première année, en deuxième année, puis en troisième, quatrième et cinquième année, ils vont plus participer même à des projets de recherche que l'on mène avec eux, puisque ça fait appel justement aux différentes missions que l'on a au sein de la ferme de la mode. Et du coup, quelles sont ces différentes missions ? Donc, la première mission, hein, c'est une ferme, donc on produit. On produit quoi ? Donc, des vaches laitières, donc on produit du lait, à peu près plus d'un million de litres de lait par an. Et puis, on produit des céréales que l'on va vendre derrière en coopérative. Ça, c'est nos deux productions principales. Et en fait, ces productions-là, elles servent de support justement aux autres fonctions de la ferme. La première fonction, c'est la fonction pédagogique. Je l'ai dit à travers les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus après. Mais il y a également des étudiants de lycée qui viennent, d'autres formations, de cursus de BTS ou autres, qui viennent sur la ferme se former, puisque bon, on est proche de Toulouse, donc on est aussi une ferme d'élevage, il n'y en a plus beaucoup dans le coin. Donc ça, c'est la fonction pédagogie. Il y a une autre fonction qui est la fonction recherche. Et donc là, justement, on va faire le lien avec toutes les pratiques que l'on a évoquées, qu'Amélia a pu évoquer sur les aspects, les projets éco-phyto. Et donc, on mène différents programmes de recherche en lien avec des différents acteurs du monde agricole. Et enfin, ça nous permet également de communiquer, d'accueillir du public sur cette ferme de la mode, pardon. Et donc, on accueille des lycéens et on cherche à accueillir du grand public. Et donc, justement, il y aura une journée qui sera dédiée au grand public qui devait avoir lieu en juin et à cause des conditions sanitaires qui aura lieu en septembre. D'accord, en septembre, très bien. Et donc, pour parler donc, des collectifs d'agriculteurs, quand est-ce que vous avez pu rejoindre ce réseau Défi XP et Défi Ferme ? Oui, donc tout ça s'est fait très progressivement finalement sur la ferme. Le premier levier par lequel on a rejoint le plan Ecophyto, c'est le levier pédagogique. On a débuté en 2011 dans cet axe du plan Ecophyto dédié à la pédagogie. Et puis on a débuté en 2012 avec un premier programme expérimental avec d'autres sites INRAE, donc Toulouse-Hauteville, Dijon et puis Estrémonce, et donc dans lequel on a testé des six différents systèmes de culture qui avaient pour objectif de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Ça, c'était en 2012. Et puis ensuite, on a rejoint notre programme Défi XP en 2018, qui, comme le disait Amélie, est un programme très en rupture, puisqu'on se passe totalement de pesticides sur ce système de culture qui est très en rupture, justement, qui s'appelle Réseau Pest. Et en parallèle, eh bien, l'avantage justement d'avoir à la fois de la recherche et de la pédagogie et de la production, on est rentré dans d'autres programmes éco-phyto, éduquer éco-phyto, donc qui est le lien avec la pédagogie, et puis Défi Ferme, puisqu'on est une ferme éco-phyto également au niveau de la production depuis 2017. Pour arriver à cette réduction de produits phytosanitaires, donc vous parliez de Rhizopest par exemple, quelles sont un peu les pratiques que vous effectuez pour justement avoir ces résultats? Dans tous ces programmes, ce qui est très important à prendre en compte, c'est qu'on est sur une démarche long terme. On est sur une démarche long terme et on est sur une approche systémique, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir leurs choses dans la globalité. Sans vouloir faire un historique de la recherche agronomique, mais il y a deux manières finalement d'aborder les problématiques en agronomie. Il y a ce qu'on va appeler les expérimentations analytiques, sur lesquelles on va tester uniquement l'effet d'un facteur sur la production. Typiquement, il y a eu des dizaines et il y a encore des dizaines d'essais de ce type-là. On va tester la dose de fertilisant et évaluer la réponse que va avoir la culture, donc sur le rendement par exemple, avec des doses de fertilisants croissants, pour déterminer quelle est la dose optimale d'un point de vue technique ou d'un point de vue économique. Ces essais sont pertinents pour répondre à cette question précise-là, et donc ils continuent à être mis en place, mais ils ne permettent pas de voir finalement les interactions qu'il va y avoir entre les pratiques. Nous, on prend ce qu'on appelle une approche systémique, donc une approche globale, c'est-à-dire qu'on va combiner les facteurs d'un système de culture. Donc un système de culture, qu'est-ce que c'est? C'est une rotation de culture et des pratiques culturales, et donc on va combiner finalement la rotation avec le travail du sol adéquat et les pratiques. Typiquement, si on arrête de travailler le sol, eh bien on va devoir modifier les dates et les doses d'apport d'engrais par exemple, ou de fumure organique, et donc on va prendre en compte et tirer parti de ces interactions finalement. Donc c'est des pratiques qui sont directement en lien avec l'agroécologie. On parlait tout à l'heure des indicateurs de suivi. Est-ce que, donc vous, pareil, est-ce que vous utilisez les mêmes indicateurs? On avait vu IFT, NODU. Et est-ce que vous avez des résultats, justement? Oui, donc tout à fait. IFT, comme ça a été dit déjà dans l'émission, c'est vraiment l'indicateur de référence pour tous les systèmes agricoles. Et donc nous, en tant que programme expérimental, on a vraiment cet objectif d'atteindre, de piloter par rapport à ces IFT. Malgré tout, donc, on utilise ces IFT-là et on a obtenu des résultats très intéressants en justement reconcevant les systèmes, mais sans non plus avoir un changement drastique, c'est-à-dire en maintenant les cultures principales, eh bien, on arrive à diviser par deux l'IFT, donc on atteint les objectifs dits d'éco-phyto. Mais on essaie d'aller plus loin puisqu'on est des sites expérimentaux et on essaie de voir finalement le lien entre l'indicateur de pression ou l'indicateur de pratique que représente l'IFT et l'indicateur d'impact. Nous, ce qu'on va chercher à voir, c'est finalement comment les pratiques agricoles qu'on met en place vont avoir un impact sur le milieu. Et donc nous, en particulier, on regarde sur la qualité de l'eau et donc on voit qu'il y a une relation, mais alors qui n'est pas linéaire, qui ne va pas être simple à mettre en place, mais à évaluer, disons, parce qu'elle va dépendre de la molécule, du type de sol, du travail de sol, justement. Et on va montrer donc qu'on réduit finalement la quantité de produits phytosanitaires que l'on retrouve dans les eaux, mais pas forcément de manière linéaire par rapport à la dose que l'on a appliquée. Ça va dépendre du travail du sol, par exemple. Une dernière question rapidement concernant justement la communication. Donc maintenant que vous avez atteint des résultats, comment est-ce que vous pouvez les communiquer au sein du domaine de Campus de la Motte? Oui, donc on le communique. Moi, j'essaie de le communiquer au quotidien, j'ai envie de dire, au travers de mes cours que je peux passer auprès de mes étudiants. On accueille aussi beaucoup de monde sur la ferme. Alors avant le Covid, en tout cas, on accueillait plus de 1000 personnes par an sur la ferme, que ce soit des personnes du monde agricole, mais également du grand public ou des lycéens. J'ai eu l'occasion de le dire. On avait mis en place une journée vraiment spécifique pour les lycéens en 2017-2018, qui avait rencontré un franc succès. Et puis on communiquait également auprès du monde agricole, donc notamment au travers des réseaux un petit peu défi ferme. Eh bien, on essaie de faire des journées portes ouvertes. On en avait fait une en 2019 et on espère en faire une très prochainement, où justement on va communiquer de manière plus précise là tous les résultats que l'on a pu avoir. Merci beaucoup Simon Giuliano pour toutes ces précisions. Donc maintenant qu'on a bien compris donc ce qu'est le plan Ecophyto et encore le réseau Défi, donc Défi Ferme et Défi XP grâce aux différentes interventions, on va pouvoir s'intéresser au groupe 30 000. Donc un groupe 30 000, c'est un collectif qui est constitué d'agriculteurs et ils se regroupent pour mettre en place également des systèmes et des techniques qui sont économes en produits phytosanitaires. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, donc on parlait des 3 000 agriculteurs engagés dans des fermes. L'idée des groupes 30 000, c'est de multiplier par 10 le nombre d'agriculteurs qui sont engagés, sachant que là, l'idée, c'est en fait de se baser sur ce qui existe déjà, c'est-à-dire ce qui est déjà éprouvé par les agriculteurs donc dans des fermes ou par les stations d'expérimentation, et de l'adapter au propre système d'exploitation de l'agriculteur. Il faut savoir que réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, ça reste un enjeu, que c'est pas simple, et que ça dépend en fait des conditions pédoclimatiques de chaque agriculteur, donc de chaque ferme. Et en soi, il faut repartir sur des essais, s'approprier la technique alternative qu'on veut développer, reconcevoir son système, et ça demande d'être accompagné. Donc l'idée, c'est donc qu'il y a un accompagnement à la fois individuel et collectif de ces agriculteurs. En Occitanie, c'est à peu près 300 agriculteurs. Donc, il y a différentes thématiques. Hein. On peut voir le désherbage mécanique, les couverts végétaux, la suppression de produits cancérigènes, mutagènes, reproductibles. Donc, c'est les produits phytosanitaires les plus dangereux. On peut parler aussi de la suppression du glyphosate, par exemple. Mais il y a encore plein d'autres techniques qui sont développées et prouvées par ces collectifs. Et donc, est-ce que de la même façon, les filières les plus représentées en Occitanie sont toujours cette viticulture et grande culture ? Oui, c'est ça. Bah, voilà, encore une fois, hein, à l'image du territoire occitan, ce sont effectivement le nombre d'exploitations agricoles qui sont le plus importantes sur ces deux filières, parce que c'est représentatif en fait de ce qu'on produit en Occitanie. Mmh. Et justement, nous discuterons très prochainement avec Paul Huet. Donc, c'est un animateur des groupes 30 000 et Clément Rigal, un viticulteur de Fronton, pour que eux aussi nous partagent leurs expériences concernant donc ces groupes. Mais avant cela, nous vous proposons une courte pause musicale avec Pauvre Jésus-Christ de Henri Salvador. On se retrouve dans quelques minutes, chers auditeurs, pour la suite de notre émission Agro J'écoute. A tout de suite. Pauvre Jésus-Christ ne revient jamais sur terre. Tel que je te connais, tu ne pourrais pas t'y faire. Un tas de gens bizarres fumant de gros cigares te signeraient des contrats pour jouer de la guitare. On te mettrait un micro dans les mains. Tu serais numéro un au hit parade. Tu tournerais des westerns italiens. Les producteurs te vendraient leur salade. Mon pauvre Jésus-Christ ne vient jamais sur terre. Tel que je te connais, tu ne pourrais pas t'y faire. Entre la pop musique et la marijuana, tu aurais des ponts d'or pour remplir l'Olympia. On te ferait faire de la publicité pour les savons, les machines à laver. Entre Sylvie Vartan et Jacques Dutronc, tu ferais des shows à la télévision. Mon pauvre Jésus-Christ ne revient jamais sur terre. Car la bombe atomique, ça ne te plairait guère. Les fanatiques de gauche, les fanatiques de droite se disputerait ton nom afin de mieux se battre. Et pour exterminer l'humanité, ils voudraient tous t'avoir de leur côté. Alors en regardant les hommes enfin, tu penserais que tu es mort pour rien. Pauvre Jésus-Christ ne revient jamais sur terre. Oh, ne reviens jamais, bébé. Pauvre Jésus-Christ ne revient jamais sur terre. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Pauvre Jésus-Christ ne revient jamais. C'était Mon pauvre Jésus-Christ de Henri Salvador. Vous êtes toujours dans l'émission Agro J'écoute sur Campus FM. On est heureux de vous retrouver pour la suite de notre émission sur les collectifs d'agriculteurs engagés dans la réduction de produits phytosanitaires. Dans la première partie de cette émission, on a pu discuter des principes du plan éco-phyto. Et Amélie Genet nous a décrit les différents collectifs et leurs potentiels liens. Simon Giuliano nous a également partagé son expérience concernant les réseaux des filles. Et donc maintenant, on va pouvoir découvrir plus précisément ce qu'est un groupe 30 000 grâce au témoignage de Paul Huet et de Clément Rigal. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec le témoignage donc, de Paul Huet, un animateur de groupe 30 000. Paul, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs donc, qui vous êtes et dans quelle structure est-ce que vous travaillez ? Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis ingénieur agronome et œnologue de l'ENSAD de Toulouse. Donc, je travaille pour Vinovalie. Vinovalie, c'est un regroupement de 4 caves coopératives. Donc, une cave sur le vignoble de Cahors, une sur le vignoble de Fronton et deux sur le vignoble de Gaillac. Donc, ça représente à peu près 300 viticulteurs pour à peu près, on va dire, 4000 hectares en production. Il y a également 160 employés. Moi, au sein de Vinovalie, je suis en charge donc, de toute la certification HVE. Donc, l'HVE, c'est l'eau de valeur environnementale. C'est un label que vous pouvez retrouver sur les bouteilles avec donc, une maison, un petit champ et un soleil. Donc, ce label, il prend en compte plusieurs indicateurs au niveau de l'exploitation. Donc, un module biodiversité, un module phytosanitaire, un module fertilisation et un module irrigation. Donc, ça permet de certifier les exploitations sur leur bonne conduite sur ces 4 items. Et je suis donc également en charge donc, d'animer les groupes 30 000 sur chaque vignoble de Vinovalie. Donc, vous avez au total combien de groupes à animer ? Donc, j'ai 3 groupes, un sur le vignoble de Cahors, un sur le vignoble de Fronton et un sur le vignoble de Gaillac. Ça représente à peu près 60 viticulteurs, donc 20 viticulteurs par groupe. Et donc, on travaille sur plusieurs problématiques, donc à la fois la réduction de doses de produits phytosanitaires, les alternatives au glyphosate, et on essaye aussi donc de travailler sur toutes les incorporations de produits de biocontrôle dans les cahiers de traitement. Et donc, on a vu tout à l'heure un peu le lien entre les réseaux Défi et les groupes 30 000. Est-ce que vous, avec ces groupes-là, vous favorisez ce lien ? Est-ce que vous arrivez à travailler avec des réseaux Défi ? Alors nous, sur chaque groupe, on est associé à un réseau Défi. Donc souvent, il est animé par une personne de la Chambre d'agriculture. Donc par exemple, sur le vignoble de Fronton, donc, dont Clément Rigal fait partie, on travaille avec la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. Et donc cette année, on a mis en place un test du slip. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le test du slip, c'est un test qui permet d'évaluer l'activité microbiologique des sols. Donc on enterre des slips pendant 3 mois. On les déterre donc au bout de 3 mois et on regarde la dégradation de ces slips. Puisqu'ils sont en coton, en fait, la dégradation de la matière organique sera directement liée à l'activité microbiologique des sols. Et donc ça, on l'a mis en place avec Camille Mazat, donc de la Chambre d'agriculture du groupe Défi. Et le but, c'est de mettre en commun un peu nos ressources pour pouvoir ensuite proposer des résultats à l'ensemble des vignerons et essayer de trouver des solutions aux différentes alternatives de conduite de vignoble. Et comment est-ce que donc, vous arrivez à animer ces groupes ? Parce que ça représente quand même un certain nombre d'agriculteurs. Est-ce que vous avez des techniques d'animation ? Quelles animations vous pouvez réaliser ? Alors oui, donc pour chaque groupe, on essaye de faire une réunion de fin de campagne. Donc à chaque agriculteur, je donne une fiche un peu récapitulative de son année, de sa campagne. L'idée, c'est de pouvoir retracer ce qu'il a fait et de pouvoir aussi se comparer aux autres viticulteurs du groupe. Donc ça, c'est la première réunion. La deuxième réunion, on essaie de faire une réunion de début de campagne pour essayer de prévoir un peu les essais qu'on va mettre en place sur chaque exploitation. Ensuite, tout au long de la campagne, moi, j'essaye de les suivre, donc pour suivre les essais, mais aussi faire des observations vignobles et pouvoir les conseiller si besoin. Et enfin, donc, on essaye de faire aussi des journées de formation ou des journées techniques. À Vinovalie, on a mis en place depuis l'année dernière des tests de qualité de pulvérisation. L'idée, c'est de pouvoir tester le matériel des viticulteurs et pouvoir les régler pour être plus efficace et éviter les dérives de produits phytosanitaires. Quelles sont un peu les pratiques que vous pouvez mettre en place ? Donc là, vous parliez du pulvérisateur pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Est-ce que vous avez des exemples de pratiques que vous retrouvez souvent ? Alors souvent, on travaille donc sur les alternatives aux produits conventionnels. Donc par exemple, sur le vignoble de Fronton, où on a un cépage assez majoritaire qui est la négrette et qui est assez sensible à une maladie qui s'appelle le botrytis. Donc on a mis en place depuis plusieurs années donc, la confusion sexuelle qui permet donc d'éviter de la reproduction des papillons et donc les vers de grappe sur raisin. Donc ça a été largement développé et c'est bien ancré maintenant sur le réseau viticulteur. On travaille aussi donc sur les alternatives au glyphosate, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça va passer par à la fois soit des couverts végétaux sous le rang, des couverts permanents, ou alors l'apport des outils de travail du sol pour en fait éviter la concurrence hydrique et azoter des plantes. Et donc on travaille aussi donc sur tout ce qui est qualité de pulvérisation, comme j'en ai parlé, avec des démonstrations d'outils pour essayer d'améliorer l'efficacité des traitements. Et donc suite à la mise en place de ces pratiques, je suppose que vous utilisez aussi des indicateurs, probablement l'IFT. Quels indicateurs est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous en utilisez d'autres? Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu les résultats de vos groupes? Donc on a plusieurs indicateurs. Donc l'IFT, qui est l'indicateur le plus répandu au sein de nos groupes, c'est un très bon indicateur d'utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, les viticulteurs, ils le sont aussi bien appropriés, c'est-à-dire qu'ils ont les références et ils savent à peu près, quelles normes, d'indicateurs est réaliste. Et donc nous, sur les groupes, on a perdu en moyenne 1 à 2 points d'IFT sur les 3 premières années, donc c'est très encourageant. Et il faut savoir que c'est à la fois grâce au remplacement des produits conventionnels par des produits de biocontrôle, mais aussi au niveau de Vinovalier, on a décidé donc en 2021 d'interdire au niveau du cahier des charges l'utilisation de produits CMR, donc cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Et donc ça, c'est aussi grâce au groupe 30 000, puisque ça a été mis en place d'abord sur les expérimentations sur les groupes de viticulteurs, puis développé donc sur l'ensemble de la GAF coopérative. Et justement, même question que pour Simon Giuliano, avec donc ces résultats. Comment est-ce que vous les communiquez avec Vinovalier? Alors, avec Vinovalier, on est présent sur divers réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux type Facebook, Instagram, et aussi des réseaux sociaux un peu plus, professionnels comme LinkedIn. Et ensuite, donc, au niveau des résultats, on essaye aussi de partager les résultats aux riverains pour que les riverains puissent prendre connaissance du métier de vigneron et des améliorations et des efforts qui sont réalisés par nos coopérateurs. Et enfin, donc, on essaye aussi en interne de développer une chaîne YouTube pour que tous les viticulteurs puissent avoir accès, au plus de techniques possibles pour le travail du sol. Et l'idée, c'est de pouvoir rendre accessible cette solution à la majorité de nos viticulteurs. Merci beaucoup, Paul Huet, pour toutes ces indications. Donc maintenant, on a vu le point de vue de l'animateur. On va pouvoir découvrir le point de vue du viticulteur. Clément Rigal, merci beaucoup d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et décrire un peu le domaine? Clément Rigal, donc je suis installé depuis 2015 sur l'exploitation familiale. C'est un domaine à la fois viticole, parce qu'il y a 80 hectares de vignes et 80 hectares de céréales aussi. Ce domaine est situé à cheval sur deux départements, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne, et sur trois communes, Fronton, Pompignan et Grisolles. Donc vous travaillez avec Vinovalier. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire justement le travail que vous réalisez avec eux? Alors moi je suis viticulteur, donc je produis le raisin sur le vignoble de Fronton. Je suis adhérent coopérateur, donc Vinovalier m'appartient, puisque le principe du coopératif c'est qu'elle appartient à ses coopérateurs. Et ensuite tout ce qui est technique, commercialisation et vinification est opéré par les salariés de Vinovalier. On va directement parler donc des collectifs d'agriculteurs. Vous, quand est-ce que vous avez pu rejoindre le groupe et pourquoi? Alors moi, mon installation, j'ai commencé par faire partie du groupe Défi, donc animé par Camille Maza, comme l'a expliqué Paul, donc à la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne. Et lorsque, au sein de Vinovalier, on a créé un groupe 30 000, j'ai automatiquement fait partie du groupe, j'ai intégré le groupe pour pouvoir travailler ensemble et partager ce que j'avais appris, les essais qu'on avait déjà mis en place au sein du réseau Défi, et puis travailler sur d'autres thématiques qu'on a développées au sein de Vinovalier. Justement, est-ce que vous pouvez un peu décrire les thématiques? Donc on l'a vu un petit peu avec Paul Huet, mais pour vous, quels sont un peu les changements que vous avez effectués sur votre domaine suite à l'entrée de ce groupe? Alors, ça a été très bien expliqué auparavant. On travaille énormément donc sur l'indicateur IFT, donc réduction de doses, des produits différents aussi, l'utilisation de plus en plus de produits biocontrôle, l'arrêt des CMR. Donc, pour arriver à ça, on a travaillé beaucoup sur la qualité de pulvérisation, on a remplacé des matériels. Et ensuite, au niveau de la fertilisation, on a mis en place des essais. Moi, ça faisait 3 ans que je semais de la féverolle. Donc, la féverolle, en l'interrant, elle a cette faculté de capter le CO2. Et lorsqu'on la détruit, elle relargue de l'azote. Donc, c'est un fertilisant naturel. Autre avantage aussi, c'est qu'une fois qu'elle est détruite, elle apporte énormément de matière organique au sol. Donc, elle enrichit le sol naturellement. J'ai mené des essais. La première année, il y a 3 ans, j'avais sémé ça sur 3-4 hectares, puis 10 hectares. Et cette année, j'ai sémé 60 hectares de féverolles. On travaille également énormément à la gestion de l'enherbement sous le rang des vignes. C'est ce qui est la difficulté en viticulture, pour essayer justement de réduire l'utilisation du glyphosate. Et nous sommes équipés à plusieurs de matériel pour travailler sous le rang des vignes, pour pouvoir mêler à la fois un désherbant et l'entretien du sol en travaillant sous le rang des vignes. Et justement, là, on a pu avoir le point de vue de l'animateur concernant les groupes. Sur la vie du collectif, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre point de vue, tous ces échanges et ces partages, comment est-ce que vous le ressentez ? Ben, moi, j'ai toujours aimé travailler en équipe, donc c'est aussi le principe d'une coopérative, quoi, c'est mettre en commun nos savoirs et nos matériels. Et je pense qu'à plusieurs, on va beaucoup plus loin. C'est très intéressant de partager nos connaissances et d'essayer de voir ce qui a marché chez l'un, ce qui a marché chez l'autre et comment pouvoir l'appliquer chez l'un ou chez l'autre. Ça nous permet d'échanger et puis de travailler beaucoup plus rapidement, quoi. Voilà, de prendre à bras le corps les thématiques actuelles et essayer de mettre en place à la fois chez l'un et chez l'autre ce qui marche, voilà. Et surtout partager aussi ce qui marche pas, parce que des fois ça marche pas, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces témoignages. Donc on a pu voir toutes ces démarches en fait qui existent pour améliorer et pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Et donc, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont engagés dans ces réseaux. C'est important de préciser qu'il existe de nombreux autres réseaux qui s'engagent dans cette réflexion de réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires. Et en bref, beaucoup d'autres acteurs agissent pour une agriculture plus économe en ces produits. On a donc vu les agriculteurs, les conseillers, mais aussi les collectivités, les services de l'État, les particuliers, les distributeurs, les entreprises, etc. C'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. J'ai été ravie de pouvoir présenter en fait toutes ces thématiques de stage. Il me reste 2 mois pour finaliser cette plaquette des groupes 30 000 d'Occitanie. Cette plaquette sera disponible en été 2021. Merci à tous nos invités, Amélie Genet, Simon Giuliano, Paul Huet et Clément Rigal pour leurs témoignages. Nous tenons à remercier donc la radio Campus FM Toulouse pour nous avoir offert l'opportunité de nous exprimer sur ces thématiques de collectif d'agriculteurs. Merci beaucoup aussi à Sophie Yvon de nous avoir aidé dans la réalisation de cet épisode. Un merci à tous donc, nos partenaires, l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université fédérale de Toulouse et la région Occitanie. Et enfin, merci à tous nos auditeurs pour leur écoute et leur fidélité. Donc pour les curieux qui aimeraient un peu en savoir plus concernant ces thématiques, vous pouvez aller sur le site internet Ecophytopic ou encore sur le site internet de la DRAF Occitanie. Et si la musique diffusée vous a plu, c'était Pauvre Jésus-Christ de Henri Salvador. Vous pouvez réécouter notre émission en podcast sur le site de Campus FM et sur différentes applications comme Deezer ou Spotify. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode d'Agro J'écoute. Oh,